Mesdames, Messieurs, voici notre matinée classique. À l'occasion du 100e anniversaire de la première représentation du Chandelier d'Alfred de Musset, la radiodiffusion française vous invite à écouter cette œuvre interprétée par la Société des comédiens français et présentée par M. Pierre-Aimé Touchard, administrateur général de la Comédie française. Direction artistique, Jacques Régnier. L'audition du Chandelier sera suivie de « À quoi rêvent les jeunes filles ?», comédie en vers du même auteur. Voici la distribution du Chandelier. Messieurs Maurice Escande, Clavaroche, Julien Berthaud, Fortunio, Louis Seignier, Maître André, Henri Marchand, le jardinier, Georges Poulot, le récitant, Teddy Billis, Guillaume, Tony Jacot, Landry, et Mesdemoiselle Moni Dalmès, Jacqueline, Micheline Boudet, Madelon. La partition de Jacques Ibert sera exécutée par l'orchestre de la Comédie française sous la direction de son chef André Jolivet. Voici la présentation de M. Pierre-Aimé Touchard, administrateur général de la Comédie française. Paul de Musset raconte qu'en 1828, son frère Alfred, alors âgé de 18 ans, s'était épris d'une personne de beaucoup d'esprit, excellente musicienne, railleuse, coquette et atteinte d'une maladie de poitrine incurable. Cette femme, qui à un moment avait semblé l'aimer, puis s'était apparemment détachée de lui, n'en continuait pas moins à l'engager vivement à venir la voir. Il comprit un jour qu'elle en aimait un autre et qu'elle ne l'utilisait que pour donner le change sur cet amour. Il le lui reprocha et devant son insensibilité, il cessa ses visites, nous dit Paul de Musset, sans témoigner ni mépris ni colère. 7 ans plus tard, au moment où il écrivait « La confession d'un enfant du siècle », Alfred de Musset eut le sentiment qu'il allait se laisser engager dans une nouvelle mésaventure du même genre. Il s'en expliqua aussitôt avec la dame et dut reconnaître que si elle ne l'aimait point, du moins, elle était au-dessus des soupçons qui lui étaient venus. Rentré chez lui, il se demanda ce qui serait arrivé si ses soupçons eussent été fondés, et en un moment, il imagina toute la comédie du Chandelier. Si telle est la vérité, si les souvenirs de Paul de Musset n'ont pas été, comme il arrive souvent, arrangés après coup, je ne puis cacher mon admiration, non seulement ça va de soi pour l'étonnant génie du poète de 25 ans, mais surtout pour cette absence de mépris et de colère dont parle son frère, et qui est si sensible dans la pièce. Car s'il est un sujet qui prêtait à l'amertume, c'était bien celui-là. Il y avait chez Musset, tout égocentrique qu'il ait été comme la plupart des romantiques, une stupéfiante aptitude à voir les autres du dedans, à se mettre à leur place pour s'expliquer leur comportement. Comment ne pas admirer chez lui cette promptitude à comprendre, à excuser, à justifier celle qu'il fait souffrir. On se demandera seulement si une telle attitude est bien faite pour donner de la vigueur dramatique à l'histoire qu'il nous conte. Certes, le Chandelier est sans doute la plus ravissante des longues comédies de Musset et peut-être la mieux écrite. Le style est égal en légèreté, en précision nuancée, celui de Marivaux. Il s'est dépouillé de cet excès d'images à la mode vers 1830 et qui date les œuvres dramatiques des poètes romantiques. La virtuosité de sa grâce y paraît si spontanée qu'on n'y découvre plus qu'un charme enchanteur. Quant à l'héroïne Jacqueline, elle présente cet étonnant mystère qui est le propre des femmes de Musset. Où finit la coquetterie, où commence la sincérité? Nous ne le savons pas plus que Fortunio lui-même. Qui est Jacqueline? Une petite bourgeoise de province, c'est bien vite dit, mais est-elle si différente de la parisienne de Beck? La vie est pour elle plus une défensive qu'une attaque. À l'égard du mari, elles défendent l'une et l'autre leur sécurité matérielle. Aussi est-il bon de le tromper, mais non de se l'aliéner. À l'égard de l'amant, elles défendent ce que j'appellerais leur hygiène sentimentale. Aussi n'ira-t-on pas jusqu'aux grandes amours, mais ne négligera-t-on rien pour le tenir en haleine. Leur petite vie est ainsi bien établie, bien protégée de toutes parts. Un seul danger pourtant. Une seule issue mal fermée, parce qu'on n'a pas eu le froid courage de la clore, le danger de l'amour vrai, de la tendresse imprévue, et surtout pour un plus jeune que soi. Que le mari surprenne une liaison fortuite et déclenche un scandale, c'est un ennui, un sérieux ennui à éviter autant qu'il se peut. Que l'amant passager disparaisse, c'est aussi une tristesse, un désappointement. Mais la seule souffrance vraie, la seule souffrance contre laquelle ni la provinciale Jacqueline du Chandelier, ni la parisienne Clotilde ne sont défendues, celle à laquelle toute leur prudence les laisse ouvertes et comme à vif, c'est la souffrance de cet amour soudain qui les dévore et qui les livrera à la merci d'un Fortunio ou d'un Simpson. L'opposition entre les deux œuvres, la pièce vigoureuse et caustique de Beck et la comédie sentimentale et légère de Musset, ne vient pas du caractère des femmes. Elle vient de la différence entre les deux hommes. Elle vient de ce que le jeune Simpson est déjà un petit mâle égoïste et indifférent, et de ce que Fortunio est encore un enfant. Il y a une tragédie dans la Parisienne, c'est le départ de Simpson. Elle est à peine indiquée par le texte, les mots échangés sont courtois, presque indifférents. Mais la scène rapide entre Clotilde et Simpson égale en intensité dramatique l'acte de la rupture dans sa foule. Rien de tel dans le chandelier. Les mots sont violents, mais Fortunio peut bien appeler à son secours tout le vocabulaire romantique de la passion malheureuse, et Jacqueline céder à tant de pureté ou de naïveté, nous savons bien qu'il n'y aura pas de drame. Menacé de voir sa pièce interdite, ce qui d'ailleurs fut fait, Musset avait imaginé à un moment un autre dénouement à sa pièce. Faisant un saut de pureté et de grandeur d'âme, Jacqueline et Fortunio, effrayés par les ravages de cet amour naissant, décidaient d'un commun accord de ne plus se revoir. La scène est émouvante, mais il ne fait pas de doute que Musset ait eu raison de l'écarter. Le climat du chandelier n'est pas à cette hauteur. Nous ne croyons pas à la conversion de Jacqueline parce que nous ne croyons pas au caractère de Fortunio. Dans un monologue fameux, Fortunio, qui s'est promis de réfléchir, examiner, comparer afin de mieux juger, en arrive à cette conclusion. Non, Jacqueline n'est pas méchante. Il n'y a là ni calcul ni froideur. Elle ment, elle trompe, elle est femme, elle est coquette, railleuse, joyeuse, audacieuse, mais non infâme, non insensible. Ah, insensé, tu l'aimes. Tu pries, tu pleures, et elle se rit de toi. Nous trouvons là, en quelques mots, un condensé de ce que j'appellerais la situation amoureuse chez les romantiques. L'homme analyse avec une certaine lucidité les charmes et les faiblesses de celle qu'il aime, mais si l'analyse est juste, son attitude en présence de ces faits demeure incohérente. Il constate qu'il aime, et sa passion justifie sa passivité. Pas question de lutter. La souffrance est un bien en soi, une justification. Du moment que je souffre, je suis sincère. Du moment que je suis sincère, je suis sauvé. Il faut bien convenir que dans ces conditions, l'homme est pour la femme un jouet bien tentant. Mais il faut pour que le spectateur à son tour se prenne au jeu, pour qu'il s'intéresse au destin de cet homme si faible et si préparé à un sort de victime, il faut que le poète use d'une magie bien puissante. Avec les personnages du chandelier, nous sommes chez les médiocres, n'en doutons pas. Mais le génie de Musset colore cette médiocrité de teintes si exquises que nous devenons comme Fortunio devant Jacqueline, nous ne pouvons que constater que nous aimons cette prose aérienne, cette subtilité d'apparence si simple, et pour tout dire d'un mot, cette grâce qu'il répand sur tout ce qu'il touche. La chambre à coucher de Jacqueline. Hola, ma femme. Jacqueline. Hola, Jacqueline. Ma femme. Ah, endormi. Hé, ma femme, éveillez-vous. Hola, levez-vous, Jacqueline. Comme elle dort. Hola. Hé, ma femme, c'est moi, André, votre mari, qui ai à vous parler de choses sérieuses. Hé. Jacqueline, êtes-vous morte? Si vous ne vous éveillez tout à l'heure, je vous coiffe du pantalon. Oh, mais qu'est-ce que c'est, mon bon ami? Oh, vertu de ma vie, ce n'est pas malheureux. Finirez-vous de vous tirer les bras? Cette affaire à vous de dormir. Écoutez-moi, j'ai à vous parler. Hier au soir, Landry, Montclair... Mais bon Dieu, il ne fait pas jour. Devenez-vous fou, maître André, de m'éveiller ainsi sans raison. De grâce, allez-vous recoucher. Oh. Est-ce que vous êtes malade? Non, je ne suis ni fou ni malade et vous éveille à bon escient. Je viens vous parler maintenant. Songez d'abord à m'écouter et ensuite à me répondre. Voilà ce qui est arrivé à Landry Montclair. Vous le connaissez bien. Mais quelle heure est-il donc, s'il vous plaît? Mais il est 6h du matin. Oh. Faites attention à ce que je vous dis. Il ne s'agit de rien de plaisant et je n'ai pas sujet de rire. Mon honneur, madame, le vôtre et notre vie peut-être à tous deux dépendent de l'explication que je vais avoir avec vous. Landry Montclair a vu cette nuit... Mais maître André, si vous êtes malade, il fallait m'avertir tantôt. N'est-ce pas à moi, mon cher cœur, de vous soigner et de vous veiller? Mais je me porte bien, vous dis-je. Êtes-vous d'humeur à m'écouter? Oh, mon Dieu, vous me faites peur. Est-ce qu'on nous aurait volé? Non, on ne nous a pas volé. Mettez-vous là sur votre séant et écoutez-moi de vos deux oreilles. Landry Montclair vient de m'éveiller pour me remettre certain travail qu'il s'était chargé de finir cette nuit. Comme il était dans mon étude... Oh, Sainte Vierge, j'en suis sûre. Vous aurez eu quelques querelles à ce café où vous allez. Non, je n'ai pas eu de querelle et il ne m'est rien arrivé. Ne voulez-vous pas m'écouter? Je vous dis que Landry Montclair a vu un homme cette nuit se glisser par votre fenêtre. Et bien, je devine à votre visage que vous avez perdu au jeu. Ah, ça, ma femme, êtes-vous sourde? Un homme cette nuit a escaladé nos murailles. Qu'est-ce que cela signifie? Faites-moi donc le plaisir d'ouvrir les rideaux. Ah, voilà. Ah, voilà qui est fait. Eh ben, vous braillerez après-dîner, Dieu merci, vous n'y manquez guère. Prenez garde à vous, Jacqueline. Je suis un homme d'humeur paisible et qui ai pris grand soin de vous. J'ai résolu, en venant ici, de vous traiter avec douceur. Et vous voyez que je le fais. Puisqu'avant de vous condamner, je veux m'en rapporter à vous et vous donner sujet de vous défendre et de vous expliquer catégoriquement. Si vous refusez, prenez garde. Il y a garnison dans la ville et vous voyez, Dieu me pardonne bonne quantité de hussards. Votre silence peut confirmer des doutes que je nourris depuis longtemps. Ah, maître André, vous ne m'aimez plus. Mais, Jacqueline... C'est vainement que vous dissimulez par des paroles bienveillantes la mortelle froideur qui a remplacé tant d'amour. Il ne s'agit pas de cela. Il n'en eût pas été ainsi, jadis. Vous ne me parliez pas de ce ton. Mais... Ce n'est pas alors sur un mot que vous m'eussiez condamné sans m'entendre. Oh. 2 ans de paix, d'amour et de bonheur ne se seraient pas sur un mot évanoui comme des ombres. Oh. Mais quoi, la jalousie vous pousse. Depuis longtemps, la froide indifférence lui a ouvert la porte de votre cœur. Oh. Vous ne m'aimez plus, puisque vous m'accusez. Mais, Jacqueline, Landry Montclair a vu un homme. Oh. Mais mon Dieu, j'ai bien entendu. Me prenez-vous pour une brute de me rebattre ainsi la tête? C'est une fatigue qui n'est pas supportable. Mais à quoi tient-il que vous ne répondiez? Oh, Seigneur, mon Dieu, que je suis malheureux. Oh. Oh, vous avez résolu ma mort, je le vois. Oh. Vous êtes homme et je suis femme, la force est de votre côté. Oh. Oh, je suis résignée, je m'y attendais. Oh. Je n'ai plus qu'à partir d'ici. Je m'en irai dans un couvent, oh. Dans un désert, s'il est possible. Oh. J'y emporterai avec moi, j'y ensevelirai dans mon cœur le souvenir du temps qui n'est plus. Ma femme. Pour l'amour de Dieu et des saints, est-ce que vous vous moquez de moi? Ah, c'est tout bon, maître André. Est-ce sérieux ce que vous dites? Si ce que je dis est sérieux, de Dieu! La patience m'échappe et je ne sais à quoi il tient que je ne vous mène en justice. Vous? En justice? Moi, en justice! Oh! Il y a de quoi faire damner un homme d'avoir affaire à une telle mule. Et je n'avais jamais ouï dire qu'on pût être aussi entêté. Vous avez vu un homme entrer par la fenêtre. L'avez-vous vu, oui ou non? Mais... Je ne l'ai pas vu de mes yeux. Vous ne l'avez pas vu de vos yeux. Et vous voulez me mener en justice? Mais oui, par le ciel, si vous le répondez. Savez-vous une chose, maître André? Hein? Que ma grand-mère a apprise de la sienne. Quand un mari se fie à sa femme. Il garde pour lui les mauvais propos. Et quand il est sûr de son fait, il n'a que faire de la consulter. Quand on a des doutes, on l'élève. Quand on manque de preuves, on se tait. Et quand on ne peut pas démontrer qu'on a raison, on a tort. Allons, venez, sortons. À quoi, c'est ainsi que vous le pensez? Oui, c'est ainsi, marchez, je vous suis. Mais où veux-tu que j'aille à cette heure? En justice! Mais en justice, mais Jacques! Mais marchez, marchez, quand on menace, il ne faut pas menacer en vain. Allons, voyons, calme-toi un peu. Non, vous voulez me mener en justice, j'y vais aller de ce pas. Mais que diras-tu pour ta défense? Dis-le-moi aussi bien maintenant. Je ne veux rien dire ici. Mais pourquoi? Parce que je veux aller en justice. Vous êtes capable de me rendre fou. Et il me semble que je rêve. Éternel Dieu, créateur du monde! Je m'en vais faire une maladie. Comment? Quoi, cela est possible? J'étais dans mon lit, je dormais. Et je prends les murs à témoin que c'était de toute mon âme. Landin, Montclair, le plus candide garçon du monde qui venait de passer la nuit à copier un inventaire, voit entrer un homme par la fenêtre. Il me le dit. Je prends ma robe de chambre. Je viens vous trouver en ami. Je vous demande, pour toute grâce, de m'expliquer ce que cela signifie. Et vous me dites des injures. Vous me traitez de furieux jusqu'à vous élancer du lit et à me saisir à la gorge. Ah non. Non, cela passe toute idée. Je serai hors d'état pour 8 jours de faire une addition qui ait le sens commun. Jacqueline, ma petite femme. Moi, c'est vous qui me traitez ainsi. Allez, allez. Vous êtes un pauvre homme. Mais enfin, ma chère petite, qu'est-ce que cela te fait de me répondre? Crois-tu que je puisse penser que tu me trompes réellement? Mais hélas, mon Dieu, mais un mot te suffit. Pourquoi ne veux-tu pas le dire? C'était peut-être quelques voleurs qui se glissaient par l'autre fenêtre. Ce quartier-ci n'est pas des plus sûrs et nous ferions bien d'en changer. Tous ces soldats me déplaisent fort. Ma toute belle, mon bijou chéri. Quand nous allons à la promenade, au spectacle, au bal et jusque chez nous, ces gens-là ne nous quittent pas. Je ne saurais te dire un mot de près sans me heurter à leurs épaulettes et sans qu'un grand sabre crochu ne s'embarrasse dans mes jambes. Qui sait si leur impertinence ne pourrait aller jusqu'à escalader nos fenêtres? Oui, tu n'en sais rien, je le vois bien. Ce n'est pas toi qui les encourage. Ces vilaines gens sont capables de tout. Alors, voyons. Donne-moi la main. Hein? Bon, est-ce que tu m'en veux, Jacqueline? Mais assurément, je vous en veux. Oh. Me menacer d'aller en justice? Eh bien, lorsque ma mère le saura, elle vous fera bon visage. Mon enfant, mais ne le lui dis pas! À quoi bon faire part aux autres de nos petites brouilleries? Je sens quelques légers nuages qui passent un instant dans le ciel pour le laisser plus tranquille et plus pur. À la bonne heure. Touchez-la. Est-ce que je ne sais pas que tu m'aimes? Est-ce que je n'ai pas en toi la plus aveugle confiance? Est-ce que depuis 2 ans, tu ne m'as pas donné toutes les preuves de la terre? Que tu es tout à moi? Jacqueline. Et puis, cette fenêtre dont parle Landry ne donne pas tout à fait dans ta chambre. En traversant le péristyle, on va par là au potager. Et je ne serais pas étonné que l'autre voisin, Maître Pierre, ne vint braconner dans mes espaliers. Va, va. Tranquillise-toi. Je ferai mettre notre jardinier ce soir en sentinelle et le pied jaloux dans l'allée. Nous en irons demain tous les deux. Je tombe de fatigue. Oh. Et vous m'avez éveillé bien mal à propos. Repose-toi. Ma chère petite, je m'en vais. Je te laisse seule. Alors, allez, adieu, n'y pensons plus. Tu le vois, mon enfant, je ne fais pas la moindre recherche dans ton appartement. Je n'ai pas ouvert une armoire. Je t'en crois sur parole. Il me semble que je t'en aime 100 fois plus de t'avoir soupçonné à tort et de te savoir innocent. Oh, et tantôt, je réparerai tout cela. Nous irons à la campagne et je te ferai un cadeau. Adieu. Adieu. Eh bien, tu le vois, hein? Il n'y a rien de tel que de s'expliquer. On finit toujours par s'entendre. Jacqueline est seule. Elle ouvre une armoire. On y aperçoit le capitaine Clavaroche. Ouf! Oh, vite, sortez. Mon mari est jaloux. On vous avait mais non reconnu. Comment étiez-vous là-dedans? À merveille. Oh, qu'allons-nous faire? Il faut nous voir et échapper à tous les yeux. Quel parti prendre? Le jardinier y sera ce soir. Je ne suis pas sûre de ma femme de chambre. Et d'aller ailleurs, impossible ici. Tout est à jour dans une petite ville. Mais qu'avez-vous? Vous êtes couvert de poussière? Il me semble que vous boitez. J'ai le genou et la tête brisée. La poignée de mon sabre m'est entrée dans les côtes. Pouah, c'est à croire que je sors d'un moulin. On brûlait mes lettres en rentrant chez vous. Si on les trouvait, je serais perdue. Ma mère me mettrait au couvent. Landry, un clerc, vous a vu passer. Il me le paiera. Que faire? Mais enfin, répondez, vous êtes pâle comme la mort. J'avais une position fausse quand vous avez poussé le bâton, en sorte que je me suis trouvé une heure durant comme une curiosité d'histoire naturelle dans un bocal d'esprit. Eh bien, voyons, que ferons-nous? Oh, rien de si facile. Mais encore? Je n'en sais rien, mais rien n'est plus aisé, m'en croyez-vous à ma première affaire. Ah, je suis rompu, donnez-moi un verre d'eau. Je crois que le meilleur parti serait de nous voir à la ferme. Que ces maris, quand ils s'éveillent, sont d'incommodes animaux. Voilà un uniforme dans un joli état, je serais beau à la parade. Oh, le diable m'emporte avec cette poussière. Il m'a fallu un courage d'enfer pour m'empêcher d'éternuer. Avez-vous une brosse ici? Oh, tenez, voici ma toilette. Prenez ce qu'il vous faut. Mais à quoi bon aller à la ferme? Votre mari est à tout prendre d'assez douce composition. Est-ce une habitude chez lui que ces apparitions nocturnes? Mais non, Dieu merci. J'en suis encore tremblante. Mais songez donc avec les idées qu'il a maintenant dans la tête. Tous les soupçons vont tomber sur vous. Pourquoi? Sur moi? Pourquoi? Mais je ne sais. Il me semble que cela doit être. Ah, tenez, Clavaroche, la vérité est une chose étrange. Elle a quelque chose des spectres. On la pressent sans la toucher. Ah, ce sont les grands-parents et le juge de paix qui disent que tout se sait. Ils ont pour cela une bonne raison. C'est que tout ce qui ne se sait pas s'ignore. Et par conséquent, n'existe pas. J'ai l'air de dire une bêtise. Réfléchissez, vous verrez que c'est vrai. Oh, tout ce que vous voudrez. Les mains me tremblent et j'ai une peur qui est pire que le mal. Patience, nous arrangerons cela. Et comment? Oh, partez, voilà le jour. Ah, bon Dieu, quelle tête. Paul, vous êtes jolie comme un ange, avec vos grands airs effarés. Voyons un peu, mettez-vous là, et raisonnons de nos affaires. Ah, me voilà presque présentable, et ce désordre réparé. La cruelle armoire que vous avez là, il ne fait pas bon être de vos nippes. Non, ne riez donc pas, vous me faites frémir. Eh bien, ma chère, écoutez-moi, je vais vous dire mes principes. Quand on rencontre sur sa route l'espèce de bête malfaisante qui s'appelle un mari jaloux... Ah, Clavaroche, par égard pour moi. Je vous ai choqué. Au moins parler plus bas. Il y a trois moyens certains d'éviter tout inconvénient. Le premier, c'est de se quitter. Mais celui-là, nous n'en voulons guère. Vous me ferez mourir de peur. Le second, le meilleur incontestablement, c'est de n'y pas prendre garde. Et au besoin... Eh bien? Non, celui-là ne vaut rien non plus. Vous avez un mari de plume, il faut garder l'épée au fourreau. Reste donc alors le troisième. C'est de trouver un chandelier. Un chandelier? Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous appelons ainsi au régiment un grand garçon de bonne mine qui est chargé de porter une mante ou un parapluie au besoin, qui, lorsqu'une femme se lève pour danser, va gravement s'asseoir sur sa chaise et la suit dans la foule d'un œil mélancolique en jouant avec son éventail, qui lui donne la main pour sortir de sa loge et pose avec fierté sur la console voisine le verre où elle vient de boire. Admire-t-on la dame, il se rengorge. Si on l'insulte, il se bat. Y a-t-il fête quelque part où la dame ait envie d'aller? Il s'est rasé au point du jour. Il est depuis midi sur la place ou sur la chaussée et il a marqué les chaises avec ses gants. Demandez-lui pourquoi il s'est fait ombre. Il n'en sait rien et n'en peut rien dire. Ce n'est pas que parfois la dame ne l'encourage d'un sourire, ne lui abandonne en valsant le bout de ses doigts qu'il serre avec amour. Il est comme ces grands seigneurs qui ont une charge honoraire et les entrées au jour de gala. Mais le cabinet leur est clos, ce ne sont pas leurs affaires. En un mot... Sa faveur expire là où commencent les véritables. Il a tout ce qu'on voit des femmes, mais rien de ce qu'on en désire. Derrière ce mannequin commode se cache le mystère heureux. Il sert de paravent à tout ce qui se passe sous le manteau de la cheminée. Si le mari a des soupçons, c'est de lui. Tient-on les propos, c'est sur son compte. Il va, il vient, il s'inquiète. On le laisse ramer, c'est son œuvre. Moyennant quoi l'amant discret et la très innocente amie couvert d'un voile impénétrable se rit de lui et des curieux. Oh, je ne puis m'empêcher de rire, malgré le peu d'envie que j'en ai. Mais pourquoi ce personnage, ce nom baroque de chandelier? Mais c'est que c'est lui qui porte un... Oh, c'est bon. C'est bon, je vous comprends. Voyez, ma chère, parmi vos amis, n'auriez-vous pas quelques bonnes âmes capables de remplir ce rôle important, qui, de bonne foi, n'est pas sans douceur? Cherchez, voyez, pensez à cela. Oh, diable, 7 heures, il faut que je vous quitte, je suis de semaine aujourd'hui. Mais en vérité, Clavaroche, je ne connais ici personne. Et puis c'est une tromperie dont je n'aurai pas le courage. Quoi, encourager un jeune homme, l'attirer à soi, le rendre peut-être amoureux tout de bon, et se jouer de ce qu'il peut souffrir. C'est une rouerie que vous me proposez là. Aimez-vous mieux que je vous perde? Et dans l'embarras où nous sommes, ne voyez-vous pas qu'à tout prix, il faut détourner les soupçons? Pourquoi les faire tomber sur un autre? Et pour qu'ils tombent, ma chère, les soupçons d'un mari jaloux, ne sauraient planer dans l'espace. Ce ne sont pas des hirondelles. Il faut qu'ils se posent tôt. ou tard. Le plus sûr est de leur faire un nid. Non, décidément, je ne puis. Ne faudrait-il pas pour cela me compromettre très réellement? Plaisanteux. Est-ce que le jour d'épreuve, vous n'êtes pas toujours à même de démontrer votre innocence? Un amoureux n'est pas un amant. Eh bien, voyons, mais le temps presse. Qui voulez-vous? Désignez-moi quelqu'un. Tenez, voilà dans cette cour trois jeunes gens assis au pied d'un arbre. Ce sont les clercs de votre mari. Je vous laisse le choix entre eux. Quand je reviendrai, il y en est un amoureux fou de vous. Comment cela serait-il possible? Je n'aurais jamais dit un mot. Est-ce que tu n'es pas fille d'Ève? Allons, Jacqueline, consentez. Non, n'y comptez pas, je n'en ferai rien. Touchez-la, je vous remercie. Adieu, la très craintive blonde. Vous êtes fine, jeune et jolie. Amoureuse un peu, n'est-il pas vrai, madame? À l'ouvrage, un coup de filet. Vous êtes hardie, Clavaroche. Chère et hardie, fière de vous plaire et hardie pour vous conserver. Le jardin. Les trois clercs sont assis sous un arbre. Vraiment, cela est singulier. Et cette aventure est étrange. N'allez pas en jaser, au moins, vous me feriez mettre dehors. Bien étrange et bien admirable. Oui, quel qu'il soit, c'est un homme heureux. Promettez-moi de ne rien dire. Maître André me l'a fait jurer. De son prochain, du roi et des femmes, il n'en faut pas souffler le mot. Que de pareilles choses existent, cela me fait bondir le cœur. Vraiment, Landry, tu as vu cela? C'est bon, qu'il n'en soit plus question. J'ai entendu marcher doucement. À pas de loup derrière le mur. Craquer doucement la fenêtre. Comme un grain de sable sous le pied. Puis sur le mur, l'ombre d'un homme quand il a franchi la poterne. Comme un spectre dans son manteau. Et une main derrière le volet. Tremblante comme la feuille. Une lueur dans la galerie, puis un baiser, puis quelques pas lointains. Puis le silence, les rideaux qui se tirent, et la lueur qui disparaît. Si j'avais été à ta place, je serais resté jusqu'au jour. Est-ce que tu es amoureux de Jacqueline? Tu aurais fait là un joli métier. Je jure devant Dieu, Guillaume, qu'en la présence de Jacqueline, je n'ai jamais levé les yeux. Pas même en songe. Je n'oserais l'aimer. Je l'ai rencontrée au bal une fois. Ma main n'a pas touché la sienne. Ses lèvres ne m'ont jamais parlé de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle pense. Je n'en ai de ma vie rien su. Sinon qu'elle se promène ici l'après-midi. Et que j'ai soufflé sur nos vitres pour la voir marcher dans l'allée. Si tu n'es pas amoureux d'elle, pourquoi dis-tu que tu serais resté? Il n'y avait rien de mieux à faire que ce qu'a fait justement Landry. Aller compter nettement la chose à Maître André, notre patron. Landry a fait comme il lui a plu. Que Roméo possède Juliette. Je voudrais être l'oiseau matinal qui les avertit du danger. Te voilà bien avec tes fredaines. Quel bien cela peut-il te faire que Jacqueline est un amant? C'est quelque officier de la garnison. J'aurais voulu être dans l'étude. J'aurais voulu voir tout cela. Dieu soit béni, c'est notre libraire qui t'empoisonne avec ses romans. Que te revient-il de ce conte? D'être gros gens comme devant? N'espères-tu pas par hasard que tu pourras avoir ton tour? Oui, sans doute. Monsieur se figure qu'on pensera quelques jours à lui. Pauvre garçon, tu ne connais guère nos belles dames de province. Nous autres, avec nos habits noirs, nous ne sommes que du fretin. Bon, tout au plus pour les couturières. Elles ne tâtent que du pantalon rouge. Et une fois qu'elles y ont mordu, qu'importe que la garnison change, tous les militaires se ressemblent. Qui en aime un, en aime cent. Il n'y a que leur vert de l'habit qui change et qui, le jaune, devient vert ou blanc. Du reste, ne retrouvent-elles pas la moustache retroussée de même, la même allure de corps de garde, le même langage, le même plaisir? Ils sont tous faits sur un modèle. À la rigueur, elles peuvent s'y tromper. Il n'y a pas à causer avec toi. Tu passes tes fêtes et tes dimanches à regarder des jours de boule. Et toi, tout seul à ta fenêtre, le nez fourré dans tes giroflées. Voyez la belle différence. Avec tes idées romanesques, tu deviendras fou allié. Allons, entrons. À quoi penses-tu? Il est l'heure de travailler. Je voudrais bien avoir été avec Landry cette nuit dans l'étude. Et nos espaliers ont bonne mine. Viens donc un peu de ce côté-ci et asseyons-nous sur ce banc. C'est donc que madame ne craint pas l'air, car il ne fait pas chaud ce matin. En vérité, depuis 2 ans que j'habite cette maison, je ne crois pas être venue 2 fois dans cette partie du jardin. Oh, regarde donc ce pied de chèvrefeuille. Voilà des treillis bien plantés pour faire grimper les clématites. Avec cela que madame n'est pas couverte, elle a voulu descendre en cheveux. Dis-moi un peu, puisque te voilà... Qu'est-ce que c'est donc que ces jeunes gens qui sont là dans la salle basse? Est-ce que je me trompe? Je crois qu'ils nous regardent. Ils étaient tout à l'heure ici. Madame ne les connaît donc pas? Ce sont les clercs de Maître André. Est-ce que tu les connais, toi, Madelon? Oh, tu as l'air de rougir en disant cela. Moi, madame, pourquoi donc faire? Je les connais de les voir tous les jours. Et encore, je dis tous les jours, je n'en sais rien si je les connais. Allons, allons, avoue que tu as rougi. Et au fait, pourquoi t'en défendre? Autant que je puisse en juger d'ici, ces garçons ne sont pas si mal. Voyons, lequel préfères-tu? Fais-moi un peu tes confidences. Tu es belle fille, Madelon. Que ces jeunes gens te fassent la cour, qu'y a-t-il de mal à cela? Je ne dis pas qu'il y ait du mal. Ces jeunes gens ne manquent pas de bien, leurs familles sont honorables. Il y a là un petit blond. Les grisettes de la Grand-Rue ne font pas fi de son coup de chapeau. Qui, celui-là avec sa moustache? Oh, que non, c'est Monsieur Landry, un grand Flandrin qui ne sait que dire. C'est donc cet autre qui écrit. Nenni, Nenni, c'est Monsieur Guillaume, un honnête garçon bien rangé. Mais ses cheveux ne frisent guère. Et ça fait pitié le dimanche quand il veut se mettre à danser. Mais de qui veux-tu donc parler? Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres que cela dans l'étude. Vous ne voyez pas par la fenêtre? Ce jeune homme propre et bien peigné, tenez, le voilà qui fouille dans un carton. C'est le petit Fortunio. Ah oui, da. Je le vois maintenant. Il n'est pas mal tourné, ma foi, avec ses cheveux sur l'oreille et son petit air innocent. Prenez garde à vous, Madelon. Ces anges-là font déchoir les filles. Et il fait la cour aux grisettes, ce monsieur-là, avec ses yeux bleus. Eh bien, Madelon, il ne faut pas pour cela baisser les vôtres d'un air si renchéri. Vraiment, on peut moins bien choisir. Il sait donc que dire, celui-là, et il a un maître à danser. Oh, révérence parlée, madame, si je le croyais amoureux ici. Ce ne serait pas de si peu de choses. Si vous aviez tourné la tête quand vous passiez dans le jardin, vous l'auriez vu plus d'une fois les bras croisés, la plume à l'oreille, vous regarder tant qu'il pouvait. Plaisantez-vous, mademoiselle, et pensez-vous à qui vous parlez? Un chien regarde bien un évêque. Et il y en a qui disent que l'évêque n'est pas fâché d'être regardé du chien. Il n'est pas si sot, ce garçon, et son père est un riche orfèvre. Je ne crois pas qu'il y ait d'injure à regarder passer les gens. Qui vous a dit que c'est moi qu'il regarde? Il ne vous a pas, j'imagine, fait de confidence là-dessus. Quand un garçon tourne la tête, allez, madame, il ne faut guère être femme pour ne pas deviner où les yeux s'en vont. Je n'ai que faire de ses confidences. Et on ne m'apprendra que ce que j'en non, sais. Non, j'ai froid. Allez donc chercher un châle et faites-moi grâce de vos propos. Si je ne me trompe, c'est le jardinier que j'aperçois entre ces arbres. Oh là, Pierre! Écoutez. Vous m'avez appelé, madame? Oui, entrez là. Demandez un clerc qui s'appelle Fortunio. Qu'il vienne ici, j'ai à lui parler. Le jardinier va frapper à la fenêtre de l'étude et prévient Fortunio que Jacqueline le demande. Madame, on se trompe sans doute. On vient de me dire que vous me demandiez. Asseyez-vous, on ne se trompe pas. Vous me voyez, monsieur Fortunio? Fort embarrassé, fort en peine. Je ne sais comment vous dire ce que j'ai à vous demander, ni pourquoi je m'adresse à vous. Je ne suis que troisième clerc. S'il s'agit d'une affaire d'importance, Guillaume, notre premier clerc, est là. Souhaitez-vous que je l'appelle? Mais non, si c'était une affaire, est-ce que je n'ai pas mon mari? Puis-je être bon à quelque chose? Veuillez parler avec confiance. Quoique bien jeune, je mourrai de bon cœur pour vous rendre service. C'est galamment et vaillamment parlé. Et cependant, si je ne m'abuse, je ne suis pas connu de vous. L'étoile qui brille à l'horizon ne connaît pas les yeux qui la regardent. Mais elle est connue du moindre pâtre qui chemine sur le coteau. C'est un secret que j'ai à vous dire et j'hésite par deux motifs. D'abord, vous pouvez me trahir. Oh. Et en second lieu, même en me servant, prendre de moi mauvaise opinion. Puis-je me soumettre à quelque épreuve? Je vous supplie de croire en moi. Mais comme vous dites, vous êtes bien jeune. Vous-même, vous pouvez croire en vous et ne pas toujours en répondre. Ce que mon cœur sent, j'en réponds. La nécessité est imprudente. Voyez donc si personne n'écoute. Personne. Ce jardin est désert et j'ai fermé la porte de l'étude. Non. Non, décidément, je ne puis parler. Pardonnez-moi cette démarche inutile et qu'il n'en soit jamais question. Hélas, madame, je suis bien malheureux. Il en sera comme il vous plaira. C'est que la position où je suis n'a vraiment pas le sens commun. J'aurais besoin, vous l'avouerai-je, non pas tout à fait d'un ami, et cependant d'une action d'ami. Je ne sais à quoi me résoudre. Je me promenais dans ce jardin en regardant ces espaliers. Et je vous dis, je ne sais pourquoi, je vous ai vu à cette fenêtre et j'ai eu l'idée de vous faire appeler. Quel que soit le caprice du hasard à qui je dois cette faveur, permettez-moi d'en profiter. Je ne puis que répéter mes paroles, je mourrai de bon cœur pour vous. Ne me le répétez pas trop. C'est le moyen de me faire taire. Pourquoi? C'est le fond de mon cœur. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'en savez rien et je n'y veux seulement pas penser. Non, non, ce que j'ai à vous dire ne peut avoir de suite aussi grave. Dieu merci, c'est un rien, une bagatelle. Vous êtes un enfant, n'est-ce pas? Vous me trouvez peut-être jolie et vous m'adressez légèrement quelques paroles de galanterie. Je les prends ainsi, c'est tout simple. Tout homme à votre place en pourrait dire autant. Madame, je n'ai jamais menti. Il est bien vrai que je suis un enfant et qu'on peut douter de mes paroles, mais telles qu'elles sont, Dieu peut les juger. Oui, c'est bon, c'est bon. Vous savez votre rôle et vous ne vous déguisez pas. En voilà assez là-dessus. Prenez donc ce siège et mettez-vous là. Je le ferai pour vous obéir. Pardonnez-moi une question qui pourra vous sembler étrange. Madeleine, ma femme de chambre, m'a dit que votre père était joaillier. Il doit se trouver en rapport avec les marchands de la ville. Oui, madame. Je puis dire qu'il n'en est guère d'un peu considérable qui ne connaissent notre maison. Et par conséquent, vous avez l'occasion d'aller et de venir dans le quartier marchand et on connaît votre visage dans les boutiques de la Grande Rue. Oui, madame. Pour vous servir. Une femme de mes amies a un mari avare et jaloux. Elle ne manque pas de bien, mais elle ne peut en disposer. Ses plaisirs, ses goûts, sa parure, ses caprices, si vous voulez. Quelle femme vit sans caprice? Tout est réglé et contrôlé. Ce n'est pas qu'au bout de l'année, elle se trouve en position de faire face à de grosses dépenses. Mais chaque mois, presque chaque semaine, il lui faut compter, calculer, disputer tout ce qu'elle achète. Enfin, avec beaucoup d'aisance, elle mène la vie la plus gênée. Elle est plus pauvre que ses tiroirs et son argent ne lui sert de rien. Qui dit toilette en parlant des femmes, dit un grand mot. Vous le savez. Il a donc fallu à tout prix user de quelques stratagèmes. Les mémoires des fournisseurs ne portent que ces dépenses banales que le mari appelle de première nécessité. Oui, ces choses-là se paient au grand jour. Mais, à certaines époques convenues, certains autres mémoires secrets font mention de quelques bagatelles que la femme appelle à son tour de seconde nécessité. Ah, mais qui est la vraie? Et que les esprits mal faits pourraient nommer du superflu. Moyennant quoi, tout s'arrange à merveille, chacun y peut trouver son compte, et le mari, sûr de ses quittances, ne se connaît pas assez en chiffon pour deviner qu'il n'a pas payé tout ce qu'il voit sur l'épaule de sa femme. Je ne vois pas grand mal à cela. Maintenant donc, voici ce qui arrive. Le mari, un peu soupçonneux, a fini par s'apercevoir, non du chiffon en trop, mais de l'argent en moins. Il a menacé ses domestiques, frappé sur sa cassette et grondé ses marchands. La pauvre femme abandonnée n'y a pas perdu un louis. Mais elle se trouve comme un nouveau tantale, dévorée du matin au soir de la soif des chiffons. Plus de confidents, plus de mémoires secrets, plus de dépenses ignorées. Car cette soif pourtant la tourmente à tout hasard, elle cherche à l'apaiser. Il faudrait qu'un jeune homme adroit, discret surtout, et d'assez haut rang dans la ville pour n'éveiller aucun soupçon, voulut aller visiter les boutiques et y acheter, comme pour lui-même, ce dont elle peut et veut avoir besoin. Il faudrait qu'il eût tout d'abord facile accès dans la maison. Ah oui, qu'il pût entrer et sortir avec assurance. Qu'il eût bon goût, cela est clair, et qu'il sût choisir à propos. Peut-être serait-ce un heureux hasard s'il se trouvait dans la ville quelques jolies et coquettes filles à qui on sut qu'il fit sa cour. N'êtes-vous pas dans ce cas, je suppose? Ce hasard-là justifierait tout. Ce serait alors pour la belle que les emplettes seraient censées se faire. Voilà ce qu'il faudrait trouver. Dites à votre amie que je m'offre à elle. Je la servirai de mon mieux. Mais si cela se trouvait ainsi, vous comprenez, n'est-ce pas, que pour avoir dans la maison le libre accès dont je vous parle, le confident devrait s'y montrer ailleurs qu'à la salle basse? Vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il faudrait que sa place fût à la table et au salon? Vous comprenez que la discrétion est une vertu trop rare pour qu'on lui manque de reconnaissance, mais qu'en outre du bon vouloir, le savoir-faire n'y gâterait rien. Il faudrait qu'un soir, tenez, je suppose comme ce soir, s'il faisait beau, il sût trouver la porte entrouverte et y apporter un bijou. Furtif comme un hardi contrebandier, il faudrait qu'un air de mystère ne trahisse jamais son adresse, qu'il fût prudent, leste et avisé, qu'il se souvînt d'un proverbe espagnol qui mène loin ceux qu'ils suivent. Aux audacieux, Dieu prête la main. Je vous en supplie, servez-vous de moi. Toutes ces conditions remplies, pour peu qu'on fût sûr du silence, on pourrait dire au confident le nom de sa nouvelle amie. Il recevrait alors adroitement, sans scrupule, comme une jeune soubrette, une bourse dont il saurait l'emploi. Preste, j'entends Madeleine qui vient m'apporter mon manteau. Discrétion et prudence. Adieu. L'ami, c'est moi. Le confident, c'est vous. La bourse est là, au pied de la chaise. Hola, Fortunio ! Maître André est là qui t'appelle ! Il y a de l'ouvrage sur ton bureau. Que fais-tu là hors de l'étude ? Hein, plaît-il comme voulez-vous ? Nous te disons que le patron te demande. Arrive ici, on a besoin de toi. À quoi ton don serait bon ? En vérité, cela est singulier. Et cette aventure est étrange. Les deux clercs sont dans l'étude. Il me semble que Fortunio n'est pas resté longtemps à l'étude. Il y a gala ce soir à la maison. Et maître André l'a invité. Oui, de façon que l'ouvrage nous reste. Aïe, j'ai la main droite paralysée. Il n'est pourtant que troisième clerc. On aurait pu nous inviter aussi. Après tout, c'est un bon garçon. Il n'y a pas grand mal à cela. Non, il n'y en aurait pas non plus si on nous eût mis de la noce. Quelle odeur de cuisine. On fait un bruit, c'est à ne pas s'entendre. Je crois qu'on danse, j'ai vu des violons. Ah, au diable les paperasses. N'en ferai pas davantage aujourd'hui. Sais-tu une chose? J'ai quelque idée qu'il se passe du mystère ici. Bon, comment cela? Oui, tout n'est pas clair. Et si je vous laisse un peu jaser... N'aie pas peur, je ne dirai rien. Tu te souviens que j'ai vu l'autre jour un homme escalader la fenêtre? Qui c'était, on n'en a rien su. Mais aujourd'hui, pas plus tard que ce soir, j'ai vu quelque chose. Moi qui te parle, et ce que c'était, je le sais bien. Qu'est-ce que c'était? Conte-moi cela. J'ai vu Jacqueline, entre chien et loup, ouvrir la porte du jardin. Un homme était derrière elle qui s'est glissé contre le mur et qui lui a baisé la main. Après quoi, il a pris le large et j'ai entendu qu'il disait « Ne craignez rien, je reviendrai tantôt ». Vraiment, mais cela n'est pas possible. Je l'ai vu comme je te vois. Ma foi, s'il en était ainsi, je sais ce que je ferais à ta place. J'en avertirais Maître André, comme l'autre fois, ni plus ni moins. Cela demande réflexion. Avec un homme comme Maître André, il y a des chances à courir. Il change d'avis tous les matins. En tant que carillon qu'ils font, paf les portes, clap les assiettes, les plats, les fourchettes, les bouteilles. Il me semble que j'entends chanter. Oui, c'est la voix de Maître André lui-même. Pauvre bonhomme, on se rit bien de lui. Dis donc, puisqu'on nous a pas invités et que nous ne sommes pas de la noce, viens-nous un peu sur la promenade. Nous jaserons tout à notre aise. La fois, quand le patron s'amuse, c'est bien le moins que l'éclair se repose. Personne encore? Non, monsieur. C'est bon, j'attendrai. Oh, conscience! Ces belles dames, si on les aimait toutes bon, ce serait une pauvre affaire. Et le métier des bonnes fortunes est à tout prendre, un ruineux travail. Tantôt, c'est au plus bel endroit qu'un valet qui gratte à la porte vous oblige à vous esquiver. La femme qui se perd pour vous ne se livre que d'une oreille. Et au milieu du plus doux transport, on vous pousse dans une armoire. Tantôt, c'est lorsqu'on est chez soi, étendu sur un canapé, et fatigué de la manœuvre, qu'un messager, envoyé à la hâte, vient vous faire ressouvenir qu'on vous adore à une lieue de distance. Vite, un barbier, le valet de chambre, on court, on vole. Il n'est plus temps. Le mari est rentré, la pluie tombe. Il faut faire le pied de grue une heure durant. Avisez-vous d'être malade, ou seulement de mauvaise humeur, Le soleil, le froid, la tempête, l'incertitude, le danger, tout cela est fait pour rendre gaillard. La difficulté est en possession depuis qu'il y a des proverbes du privilège d'augmenter le plaisir. Et le vent de bise se fâcherait si en vous coupant le visage il ne croyait vous donner du cœur. En vérité, on représente l'amour avec des ailes et un carquois. On ferait mieux de nous le peindre comme un chasseur de canards sauvages, avec une veste imperméable et une perruque de laine frisée pour lui garantir l'occiput. Quelle sotte bête que les hommes de se refuser leur franche lipée pour courir après quoi, de grâce, après l'ombre de leur orgueil. Mais la garnison dure 6 mois. On ne peut pas aller tous les jours au café. Les comédiens de province s'ennuient. On se regarde dans un miroir et on ne veut pas être beau pour rien. Jacqueline a la taille fine. C'est ainsi qu'on prend patience et qu'on s'accommode de tout sans trop faire le difficile. Oh, eh bien, ma chère, qu'avez-vous fait? Avez-vous suivi mes conseils? Et sommes-nous hors de danger? Oui. Comment vous y êtes-vous prise? Vous me conterez cela. Est-ce un des clercs de Maître André qui s'est chargé de notre salut? Oui. Vous êtes une femme incomparable. Et on n'a pas plus d'esprit que vous. Vous avez fait venir, n'est-ce pas, le bon jeune homme à votre boudoir? Je le vois d'ici, les mains jointes, tournant son chapeau dans ses doigts. Mais quel compte lui avez-vous fait pour réussir en si peu de temps? Le premier venu, je n'en sais rien. Voyez un peu ce que c'est que nous et quel pauvre diable nous sommes quand il vous plaît de nous endiabler. Et notre mari, comment voit-il la chose? La foudre qui nous menaçait sent-elle déjà l'aiguille aimantée? Commence-t-elle à se détourner? Oui. Parbleu, nous nous divertirons et je me fais une vraie fête d'examiner cette comédie, d'en observer les ressorts et les gestes et d'y jouer moi-même mon rôle. Et l'humble esclave, je vous prie, depuis que je vous ai quitté, est-il déjà amoureux de vous? Je parierais que je l'ai rencontré comme je montais, un visage affairé et une encolure à cela. Est-il déjà installé dans sa charge? S'acquitte-t-il des soins indispensables avec quelque facilité? Porte-t-il déjà vos couleurs? Met-il l'écran devant le feu? A-t-il hasardé quelques mots d'amour craintif et de respectueuse tendresse? Êtes-vous contente de lui? Oui. Et comme à compte sur ses futurs services? Ses beaux yeux pleins d'une flamme noire lui ont-ils déjà laissé deviner qu'il est permis de soupirer pour eux? A-t-il déjà obtenu quelque grâce? Voyons franchement, où en êtes-vous? Avez-vous croisé le regard? Avez-vous engagé le fer? C'est bien le moins qu'on l'encourage pour le service qu'il nous rend. Oui. Qu'avez-vous donc? Vous êtes rêveuse et vous répondez à demi. J'ai fait ce que vous m'avez dit. En avez-vous quelques regrets? Non. Et vous avez l'air soucieux et quelque chose vous inquiète? Non. Verriez-vous quelque sérieux dans une pareille plaisanterie? Laissez donc, cela n'est rien. Si l'on savait ce qui s'est passé, pourquoi le monde me donnerait-il tort? Et à vous, peut-être raison. Bon, c'est un jeu, c'est une misère. Ne m'aimez-vous pas, Jacqueline? Oui. Eh bien donc, qui peut vous fâcher? N'est-ce pas pour sauver notre amour que vous avez fait tout cela? Oui. Je vous assure que cela m'amuse. Je ne regarde pas de si près. Silence. L'heure du dîner approche et voici Maître André qui vient. Est-ce notre homme qui est avec lui? C'est lui. Mon mari l'a prié et il reste ce soir ici. Non, non, non, non, je ne veux pas d'aujourd'hui entendre parler d'une affaire. Je veux qu'on s'évertue à danser et qu'il ne soit question que de rire. Je suis ravi. Je nage dans la joie et je n'entends qu'à bien dîner. Peste, vous êtes en belle humeur, Maître André, à ce que je vois. Il faut que je vous dise à tous ce qui m'est arrivé hier. Et te dis pas quoi? J'ai soupçonné injustement ma femme. J'ai fait mettre le pied jaloux devant la porte de mon jardin. J'y ai trouvé mon chat ce matin. C'est bien fait. Je l'ai mérité. Mais je veux rendre justice à Jacqueline et que vous appreniez de moi que notre paix est faite et qu'elle m'a pardonné. Oui, c'est bon, je n'ai pas de rancune. Non, non. Je ne veux pas n'en plus parler. Non, non, non, je veux que tout le monde le sache. Et je l'ai dit partout dans la ville. J'ai rapporté dans ma poche un petit Napoléon en sucre et je veux le mettre sur ma cheminée en signe de réconciliation. Et toutes les fois que je le regarderai, j'en aimerai 100 fois plus ma femme. Ce sera pour me garantir de toute défiance à l'avenir. Voilà, Giron, digne mari. Je reconnais là Maître André. Ah, capitaine, je vous salue. Voulez-vous dîner avec nous? Nous avons aujourd'hui au logis une façon de petite fête et vous êtes le bienvenu. C'est trop d'honneur que vous me faites. Je vous présente un nouvel hôte. C'est un de mes clercs, capitaine. C'est dans Tarmate. Ce n'est pas pour vous faire un jeu, mais le petit drôle de l'esprit. Il vient faire la cour à ma femme. Monsieur, peut-on vous demander votre nom? Je suis ravi de faire votre connaissance. Fortunio. Ah. C'est un nom heureux. À vous dire vrai, voilà tantôt un an qu'il travaillait à mon étude et je ne m'étais pas encore aperçu de tout le mérite qu'il a. Je crois même que sans Jacqueline, je n'y aurais jamais songé. Son écriture n'est pas très nette. Il me fait des accolades qui ne sont pas exemptes de reproches. Mais ma femme a besoin de lui pour quelques petites affaires et elle se loue fort de son zèle. C'est leur secret. Nous autres maris, nous ne mettons point le nez là. Un hôte aimable dans une petite ville n'est pas une chose de peu de prix. Aussi Dieu veuille qu'il s'y plaise, nous le recevrons de notre mieux. Je ferai tout pour m'en rendre digne. Oui, mon travail, comme vous le savez, me retient chez moi la semaine. Je ne suis pas fâché que Jacqueline s'amuse un peu sans moi comme elle l'entend. Il lui fallait quelquefois un bras pour se promener par la ville. Le médecin veut qu'elle marche et le grand air lui fait du bien. Ce garçon-là, c'est les nouvelles. Il lit fort bien à haute voix. Il est d'ailleurs de bonne famille. Et ses parents l'ont bien élevé. C'est un cavalier pour ma femme. Et je vous demande votre amitié pour lui. Mon amitié digne, maître André, est tout entière à son service. C'est une chose qui vous est acquise et dont vous pouvez disposer. Monsieur le capitaine est bien honnête. Je ne sais comment le remercier. L'honneur est pour moi, si vous me comptez pour un ami. Voilà qui est à merveille. Allons, vive la joie. La nappe nous attend. Donnez la main à Jacqueline et venez goûter mon vin. Oui. Maître André ne me paraît pas envisager tout à fait les choses comme je m'y attendais. Oh, sa confiance et sa jalousie dépendent d'un mot et du vent qui souffle. Mais si cela prend cette tournure, nous n'avons que faire de votre clé. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Allons, monsieur Fortunio, servez donc à boire à madame. De tout mon cœur, monsieur le capitaine, et je bois à votre santé. Dis donc, vous n'êtes pas galant, à la santé de votre voisine. Et oui, à la santé de ma femme. Ah, capitaine, je suis ravi que vous trouviez ce vin de votre goût. Amis, buvons sans cesse. Cette chanson-là est bien vieille. Chantez donc, monsieur Fortunio. Si madame veut l'ordonner. Ah, le garçon, c'est son monde. Eh bien, chantez, je vous en prie. Un instant. Avant de chanter, mangez un morceau de ce biscuit. Cela vous ouvrira la voie et vous donnera du bon temps. Le capitaine a le bon pour rire. Je vous remercie, cela m'étoufferait. Oh, bon, demandez à madame de vous en donner un morceau. Je suis sûr que de sa blanche main, cela vous paraîtra léger. Oh, ciel, que vois-je? Vos pieds sur le carreau. Je ferai madame qu'on apporte un coussin. En voici un. À la bonne heure, monsieur Fortunio. Je pensais que vous m'eussiez laissé faire. Un jeune homme qui fait sa cour ne doit pas permettre qu'on le prévienne. Oh, le garçon ira loin. Il n'y a qu'à lui dire maintenant, chantez donc, s'il vous plaît. Nous écoutons de toutes nos oreilles. Je n'ose devant des connaisseurs. Je ne sais pas de chansons de table. Puisque madame l'a ordonné, vous ne pouvez vous en dispenser. Je ferai donc comme je pourrai. Monsieur Fortunio, n'avez-vous pas encore adressé des vers à madame? Voyez l'occasion se présente. Silence, silence, laissez-le chanter, voyons. Une chanson d'amour, surtout, n'est-il pas vrai, monsieur Fortunio? Pas autre chose, je vous en conjure. Madame, priez-le, s'il vous plaît, qu'il nous chante une chanson d'amour. On ne saurait vivre sans cela. Je vous en prie, Fortunio. Si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer, je ne saurais pour un empire vous la nommer. Nous allons chanter à la ronde, si vous voulez, que je l'adore et qu'elle est blonde comme les blés. Je fais ce que sa fantaisie veut m'ordonner, et je puis, s'il lui faut ma vie, la lui donner. Du mal qu'une amour ignorée nous fait souffrir, j'en porte l'âme déchirée jusqu'à mourir. Mais j'aime trop pour que je dise qui j'ose aimer. Et je veux mourir pour mamie sans la nommer. Le gaillard est amoureux comme il le dit. Il en a les larmes aux yeux. Allons, garçon, bois pour ton maître. C'est quelques grisettes de la ville qui t'aura fait ce méchant cadeau-là. On ne croit pas à M. Fortunio l'ambition si roturière. Sa chanson vaut mieux qu'une grisette. Qu'en dit madame? Et quel est son avis? Très bien. Donnez-moi le bras et allons prendre le café. Monsieur Fortunio, offrez donc votre bras à madame. Avez-vous fait ma commission? Oui, madame. Et tout est dans l'étude. Allez m'attendre dans ma chambre. Je vous y rejoins dans un instant. Fortunio entre dans la chambre de Jacqueline. Est-il un homme plus heureux que moi? J'en suis certain, Jacqueline m'aime. Et à tous les signes qu'elle m'en donne, il n'y a pas à s'y tromper. Déjà me voilà bien reçu, fêté, choyé dans la maison. Elle m'a fait mettre à table à côté d'elle. Si elle sort, je l'accompagnerai. Quelle douceur, quelle voix, quel sourire. Quand son regard se fixe sur moi, je ne sais ce qui me passe par le corps. J'ai une joie qui me prend à la gorge. Je sauterais au cou si je ne me retenais. Non, plus j'y pense, plus j'y réfléchis. Les moindres signes, les plus légères faveurs, tout est certain. Elle m'aime. Elle m'aime. Et je serais un sot fiévé si je feignais de ne pas le voir lorsque j'ai chanté tout à l'heure, comme j'ai vu briller ses yeux. Allons, ne perdons pas de temps. Déposons ici cette boîte qui renferme quelques bijoux. C'est une commission secrète. Et Jacqueline sûrement ne tardera pas à venir. Êtes-vous là, Fortunio? Oui. Voilà votre écrin, madame, et ce que vous avez demandé. Vous êtes homme de parole, et je suis contente de vous. Comment vous dire ce que j'éprouve? Un regard de vos yeux a changé mon sort.